déjà pas sa venue. Jusqu'à présent, je n'ai que droit à des amours déçus. Jusque là, moi j'y ai bien cru. Pourquoi ne veut-elle pas venir? Pourquoi dois-je en souffrir? Mon cœur a trop été attiré, entraîné dans ses amours fauchés. Et j'attends qu'elle vienne vers moi. J'attends cette fille dans ma tête, un désert. Que dois-je faire? Et j'attends et j'espère dans ma tête, un désert, babe. Viens vers moi, un regard, une pensée, un sourire que je pourrais m'offrir. Et j'attends, yeah. Et j'attends et j'espère dans ma tête un désert, babe. Viens vers moi, un regard, une pensée, un sourire que je pourrais m'offrir. Et j'attends et j'attends, yeah. Je pensais que c'était elle que je recherchais, elle que mon cœur avait désignée. Je pensais à elle, sa beauté, sa personnalité. Mettait pression sur mon cœur qui lui était le premier ciblé. À part ça, je vois le temps défiler. Et j'attends en les regardant. Si son choix était tel, qu'est-ce que j'y peux donner pour elle? N'a servi à rien. Et j'essaye en vain de ne plus penser à elle. Combien je donnerais pour être avec elle? Amour bien déçu, j'y ai bien cru. Mes sentiments ont fini par déborder. À ce jour, je ne sais plus quoi penser. Ces filles dont je repenserai, ces filles que j'ai aimées. Allongée, feuille de papier sous la main, j'écris mes refrains dans mes rêves. Je la vois dans mes pensées, je me vois à ses côtés. Prends soin d'elle, donner tout pour elle. Amour déçu, je n'en veux plus. Mentalité OP, mon fond de moi, mon cœur ciblé. N'a plus envie de plus. Et j'attends et j'espère dans ma tête un désert, babe. Viens vers moi, un regard, une pensée, un sourire que je pourrais m'offrir. Et j'attends, yeah. Et j'attends et j'espère dans ma tête un désert, babe. Viens vers moi, un regard, une pensée, un sourire que je pourrais m'offrir. Et j'attends, yeah.